Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous t'avons certes donné un fleuve d'abondance. Observe donc la salate pour ton Seigneur et sacrifie. C'est celui qui te hait qui sera sans postérité.